Ouais, là on se dirige dans le 93, on est sous bois. Yeah. Chat, ouais. Nitro, César et Septium Molotov. Entendu au choix. Je suis passé de l'enfance des années 80 à l'adolescence des 5-20. On a grandi, pris des Loki, bref le train-train. Appris à remplir nos penses parce que les darons nourriciers maigrissaient. Je voulais te laisser souffler, mais je t'ai essoufflé. L'école m'a quitté parce que passé un stade, on ne triche plus. Retourne contribuer aux tribulations de nos chefs de tribu. On peine à prendre l'argent du beurre. Mais c'est ça où tu meurs, donc groupe tes pecs pour éloigner la lame du cœur. La sortie c'est la prière, mais tu sais, j'ai vu des rues plus fortes que la voix de certains frères qui sont allés et revenus, préférant qu'offrait l'enfer. Argent et filles faciles, couilles vides et poches pleines, cagoules et capotes, polydé pour linge, toujours la même. Gorge profonde et argent qui rend changeant, sinon rien de transcendant. En fait, une petite durite de temps en temps, mais optimiste, me dit que jusqu'ici tout ira bien. Plein d'espoir comme un caillou dans la main d'un petit tirage. Tiens, j'ai immigré en France, alors moi je jette des dés. Le résultat glace mes sangs comme la caresse d'un pilier. Mais on essaie, car on ne vit qu'une fois ce qui paraît. Mais gros, si la vie me cherche, elle me trouvera dans sa raie. Dans sa raie, dans sa raie. Né pour mourir et vivre du mieux on peut. Fais l'argent comme on peut. Le dépense comme on peut. Sors là, on peut. Manger, boire ce qu'on peut. Alhamdoulilah, même si c'est pas toujours ce qu'on veut. Né pour mourir et vivre du mieux on peut. Fais l'argent comme on peut. Le dépense comme on peut. Sors là comme on peut. Manger, boire ce qu'on veut. Alhamdoulilah, même si c'est pas toujours ce qu'on veut. Crawl, j'ai les poches vides comme dans le crâne d'un cœur. Rame escorté mon destin au fond d'un coffre. À force de marcher dans le vide, mes Nike et requins ont pris le temps de niquer des poilènes. J'ai les doigts dans le queue en manicure. Mon cœur transporte mon sang. Plus que je suis né, ZF, j'ai grandi. Je l'ai trompé à mon tour, je l'ai mis en synchrone. Ma vengeance sera un plat de chip. Plus mange DJ sans fourchette avec un gant à la main droite rosée. Les petits puis crapent la coke. Pas du shit, c'est ma flippette. Moi non, faut mettre du coco dans le compète, mon petit coco. La mairie licencie, les médiateurs, les centres de loisirs en beauté. Bidlin et ses pequeños animateurs. Chez nous c'est propre, tu veux parler qui? Tu vas niquer qui? Si tu vas faire ces interviews, c'est la guerre qui? À qui? Tu veux parler où? Comment quoi? Quand espèce de con, c'est Sénégal en rousse, caf, malotava. Né pour mourir et dit du mieux qu'on veut. Fais l'argent comme on peut. Le dépense comme on peut. Sors là comme on peut. Manger, boire ce qu'on veut. Alhamdoulilah, même si c'est pas toujours ce qu'on veut. Né pour mourir et dit du mieux qu'on veut. Fais l'argent comme on peut. Le dépense comme on peut. Sors là comme on peut. Manger, boire ce qu'on veut. Alhamdoulilah, même si c'est pas toujours ce qu'on veut. C'était dans le rétro. Fini l'époque rétro, café, on tire dans le tas. Garde l'âme de l'Asie comme Aretha. L'avion squat elle s'arrête là. Z là, coûte la rangée. Si on tente de traverser en Z3, crie, protège-toi, sois rangé. Pour représenter une bonne paire de pumas. Jalousie qui vaut peut-être une balle dans les poumons. Sans exagérer, c'est l'époque du racket. Coup de patte, balle ou même coup de raquette. Les petits maquettes. Des blancs touristes munis d'une mallette. Bientôt on entendra de loin son mal-être. Et aussi l'envoi d'un droit de visite par lettre. Sécu renforcé par les conducteurs de Brinks. Par peur que les braqueurs puissent faire la brinque. Né pour mourir et vivre du mieux on peut. Fais l'argent comme on peut. Le dépense comme on peut. Sors là comme on peut. Manger, boire ce qu'on peut. Alhamdoulilah, même si c'est pas toujours ce qu'on veut. Né pour mourir et vivre du mieux on peut. Fais l'argent comme on peut. Le dépense comme on peut. Sors là comme on peut. Manger, boire ce qu'on peut. Alhamdoulilah, car des fois on fait ce qu'on veut. Dieu merci, des fois on fait ce qu'on veut. Yeah, Nitro 16 et Sefiu Molotov. Livré en temps aux têtes piquantes. Kalsen Connection. Yeah, pour le patrimoine du ghetto. Duo le balafré. Socrate, l'escadrille. Chat, 13 et 16. Filme Lotova. Man, NCC, escadrille, oui, ST4, clan. Ouais.